J'ai vendu de la dope, j'ai travaillé, j'ai même entrepris, bref, j'ai cravaché, charbonné, c'est ce qu'on fait de mieux. La volonté d'un homme est la chose la plus puissante après la volonté de Dieu. On a pris racine au Jackson, le cul sur le banc, la haine du prochain comme un mec du Ku Klux Klan. Attendant patiemment notre tour, tel de futurs grands, apprenant la discrétion pour gérer le bus plus sûrement. Film de gangster, Coppola, Scorsese, j'suis de l'époque, Costa, Cortez. Frustré, envieux de tous ces abrutis bourgeois, anti-flic, anti-pouk et anti-tout ce qui bouge quoi. Tête pleine, ventre vide, embrouille entre checks, RDV, centre-ville. Et chaque jour on réinvente le vice. C'est la merde mais on s'y fait, y'a qu'avec les miens que je me sens revivre. Le cash contrôle tout autour de moi, la dalle a fait de nous des prolétaires ultra-libéraux, sournois. Et c'est toujours les mêmes poèmes sur les mêmes choses, car je suis touché par les mêmes problèmes pour les mêmes causes. Oui, j'aime les putains chers, texte plein de surenchères, trempé dans des jazz louches, machination financière. Suce-moi mais s'il te plaît, sans qu'il y ait tes chicots qui me gênent, bitch. Pas besoin de ton amour pour vivre, mais besoin d'oxygène. J'geek, mieux que tous ces enculés, je veux que vous le sachiez. Je suis à deux doigts d'en clasher, je suis à deux doigts d'en baffer. Je suis comme un lion en cage au milieu de clowns en baffé. Les voies du succès sont entravées, n'essaie pas d'entraver. Je suis sur un gros coup, une grosse douille, la carotte du ciel, et j'emmerde mon touille. Faut merde les travailleuses du sexe. Le Renoir est frais jusqu'à la muerte. J'incarne la rue et son charme, le bloc et sa fierté. J'ai juste pris un peu de retard, y'a quelque chose à merder. Mais c'est la vie, vous ne gagnerez que lorsque vous perdrez. Wesh Yuri, wesh Dos, t'attends quoi pour percer? T'en fais pas pour moi, Igo, la vapeur va s'inverser. J'ai ta faute challenger que je les baisse. J'ai ta faute challenger que je les baisse. J'ai ta faute challenger que je les baisse. Dites bien à vos challenger que je les baisse. Dites bien à vos challenger que je les baisse. Dites bien à vos challenger que je les baisse. Parlons bif, parlons rodka, parlons bitch, parlons lobsa, parlons résine feuille de coca, parlons Brésil, parlons rockma, parlons vitesse gros cylindré, respecte mon business, ego je suis indé, je vais bluffer une michto, lui dire que je suis blindé, puis la faire les tours à tous les petits duratés. Ok, dossier, dossier, dossier, frais, talentueux et intègre. Oui, jury, jury, jury, je m'en vais leur apprendre à respecter un nègre. Ça fait trois piges que l'album est au four, chacun sa guerre, chacun son parcours. Je rafale dans le tas, le reste rien à foutre, je peux toujours se beul avec la même foudre. J'ai un beau challenger que je les baisse, j'ai un beau challenger que je les baisse.